cuir. Que fait-elle? Longtemps toute seule. Elle attend quoi de moi en me disant long, long, long et bien épais. Elle attend quoi de moi long, long, long et bien épais. Qu'est-ce que ça voulait dire tout ça? Bien épais.